On devait faire l'entrevue jeudi passé, mais il y a eu un dérangement des dernières minutes. Quoi qu'il en soit, ben, la saison de ski est maintenant chose du passé. Il y avait un gros défi à relever cette année. On en parle avec David Larouche, le président du Centre de ski et de Miski. Salut David! Salut Danny! David, je me rappelle bien, c'était un gros défi. On sait que ça avait été sauvé quasiment à minuit moins deux. Il n'y avait pas de CA, puis ainsi de suite. Là, à la dernière seconde, il est arrivé ton groupe, et c'était quelque chose de vraiment gros. Est-ce que ça s'est bien passé dans l'ensemble? Ça s'est super bien passé. Écoute, l'équipe qui a été mise en place à Domiski, vraiment impressionnante, un dynamisme incroyable. Vraiment, tout le monde y avait le centre Domiski à cœur, puis ça paraissait. OK. Donc, okay. Vraiment une belle énergie. On a eu une belle année. Écoute, au niveau de la neige, des précipitations, ça a été merveilleux. Ça a dû aider, hein? Ça a dû. Oui. Je ne cacherai pas que ça a vraiment aidé. Puis, il y a un gros facteur aussi, Danny, qui a été important. Ça a été l'embauche de notre coordonnateur, Dan Sagelin, qui a fait un super job, là. OK, OK. Hey, dis-moi, justement, parce que les autres années, si je me rappelle bien, les deux dernières années, il n'y avait pas eu de neige entre Noël et le jour de l'an. Puis, c'est au moins 30 % de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. Donc, certainement que déjà là, en partant, ça l'a aidé, là. Oh oui, c'est sûr que c'est énorme au niveau du congé des fêtes. Ça change toute la donne, ça part bien la saison. Au niveau financier, c'est sûr que c'est des retombées qui sont vraiment importantes. Le fait aussi d'avoir étiré là, dans la semaine de relâche et après la semaine de relâche aussi, je pense que les dernières années, on ne réussissait pas à prolonger la saison aussi tard. Donc, c'est sûr que Miss Météo là, a vraiment été là, de notre côté là, au niveau du facteur neige. Ça a-tu paru beaucoup, le fait que les deux dernières saisons, si je me rappelle bien, il n'y avait pas eu assez de neige pour démarrer dans le temps des fêtes? J'imagine qu'au niveau des cartes de membres, ça a dû nuire. Hein? Je peux pas parler à propos des dernières années parce que j'étais ouais, pas okay. Impliqué, je sais pas les chiffres. Mais logiquement, je doute probablement que oui, ça a dû être plus difficile. C'est vraiment majeur le fait que la météo soit de notre bord. Puis cette année, ça a paru. Là. OK. C'est sûr que là, les chiffres que je vais te demander, tu les auras pas avant. Tu vas les avoir juste à l'Assemblée générale. Mais généralement, à peu près, il y a combien de membres et de visiteurs au centre de ski, le Domiski par année? Ah, oh, tu m'en poses une bonne, là. Ouais. Ça serait plus au niveau des statistiques avec le coordonnateur Dan. Je sais que cette année, on s'enligne pour une saison financièrement positive, contrairement aux années antérieures, due à plusieurs facteurs, bien entendu, entre autres, comme on disait, là, la météo. Mais quand j'aurai les chiffres là, après l'Assemblée générale, ça me fera un plaisir de te les redonner ou de repasser une entrevue. Mais disons que c'est une très belle année qui vient de se terminer, puis l'année prochaine, on est en ligne avec des nouveaux projets. Fait que, ouais, bon, ça va bien. Là. On va en parler des projets, justement, parce que dernièrement, j'ai fait une entrevue avec le Hill Cross à Saint-Félicien. Ça, je ne sais pas si c'est quoi, c'est une compétition... que c'est nouveau comme compétition là, c'est des motoneiges qui montent les pour les gens qui savent pas c'est quoi qui montent des pistes ou des côtes de sentiers de ski alpin. Et j'ai posé la question, c'est en pleine croissance. Généralement, il y a 2000 personnes qui vont voir ces activités-là. Et j'ai demandé pour Dolbeau, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant? Il n'a pas fermé la porte. Est-ce que du côté de Domiski, est-ce que ça pourrait les intéresser? C'est une activité majeure de plus, là? Certainement. Moi, je peux te dire, Danny, que j'avais eu sur le coin d'une table des pourparlers avec certaines personnes qui voulaient organiser un Hillcross pour cet hiver. Okay. Sauf que c'était difficile pour nous de recevoir une telle activité étant donné que c'était tout nouveau. Et puis, la porte est toujours ouverte à Domiski. Hein. On veut qu'il y ait un bel achalandage, on veut qu'il y ait plusieurs activités de différents créneaux pour attirer d'autres personnes. Puis c'est sûr que moi, je suis un amateur de motoneige aussi, puis le Hillcross, c'est spectaculaire. Écoute, pour la saison 2017-2018, la porte va être ouverte. Puis s'il y en a qui ont des projets... de venir nous les présenter, puis c'est sûr qu'on va s'asseoir avec eux autres pour les écouter. Ça, c'est certain. OK, parce qu'il n'y a pas de dimension. C'est sûr, vous n'avez pas des super gros scopes, peut-être, comparativement aux autres. Sauf que c'est un genre de circuit régional. Puis moi, je verrais très bien une course à Dolbeau, là. Surtout ah, ben que... oui, parce que. Ouais. Excuse-moi, Danny, mais on peut modifier le terrain avec le BR aussi, puis faire des obstacles, là. OK, OK. Et peu importe si la montagne est moins haute. Il y a un différent circuit qu'on peut aménager, puis ça fait de la variété au niveau du circuit régional. OK. Le bootcamp, ça, c'est une activité également qui va avoir lieu le 17 juin. J'ai parlé avec Richard Bello l'autre jour. C'est une très grosse activité. Pour de Potomiski, c'est vraiment bénéfique. Là. Ah oui, oui, ça, écoute, c'est un cadeau du ciel qui vient d'arriver à Dolbeau-Mistassini. Franchement, l'organisation à Stéphane Houd et à Richard Bello ont fait un coup de maître en attirant ça ici. Je pense que c'est une provinciale. Il y a quatre tranches, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Et puis, Domiski, c'est sûr qu'on était à bras ouverts pour les accueillir. Je sais qu'ils ont des réunions, puis que là, ça travaille fort de leur côté. Puis, on espère attirer du monde. Puis, on est convaincu qu'il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir une grosse logistique à faire là, par rapport à ça. Oui. Terrain va être prêt, là, puis je suis pas inquiet de l'organisation, le bout du bootcamp. Ça devrait être assez spectaculaire. Puis ça va être une activité majeure pour le secteur. Là. C'est incroyable, les retombées. On parlait de 3000 athlètes. Est-ce que vous On parle de la MRC, de la région. Est-ce que vous allez être capable de le niveau de la logistique? Ça va être quoi la logistique en passant? Ben, eux autres, là, ils ont des gros chapiteaux là, au niveau du terrain. Ils peuvent utiliser le chalet, mais les participants, il ne faudra pas trop qu'ils rentrent dans le chalet parce que je pense que le chalet va être sale à la fin de la journée. C'est sûr. Mais dans le fond, tout est bien organisé. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils fonctionnent avec des navettes, bien entendu, parce que les voitures, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de gens... Mais ils ont de quoi de bien rôder, là. Je suis convaincu qu'ils vont faire de quoi d'assez exceptionnel. Puis pour vous autres, ben quelque part, ça va carrément avec votre mission de devenir ouvert de 12 mois par année. Là. C'est carrément ça votre mission. Là. Oui, on veut qu'il y ait des activités, on veut avoir un calendrier pour la population. Donc c'est un centre 4 saisons multisports. Donc tous les projets qui sont bien structurés, qui sont bien présentés. Nous, le conseil d'administration, on est les bras ouverts pour lui prêter le terrain puis les aider à accomplir les activités. OK. Là, dans les autres projets pour la saison hivernale, ça va être quoi l'an prochain? Est-ce que le fameux canon à neige, est-ce que c'est un rêve ou c'est quelque chose de réalisable? C'est un rêve réalisable. OK. Le projet, il est bien enclenché. Ça va bien. C'est sûr qu'on fait des demandes financières. Et dans le fond, là, je n'ai pas rien à annoncer parce qu'il n'y a pas de confirmation, mais disons que ça sent très bon, c'est très positif là, pour le canon à neige. Pour la saison 2017-2018? Pour la saison 2017-2018, oui, aussi proche que ça pour la saison prochaine, parce que, comme on a dit en entrée de jeu, le fait d'avoir de la neige pendant la période des fêtes, c'est majeur au niveau financier. Ben oui. Donc ça va nous permettre d'avancer la date d'ouverture, et ça va nous permettre aussi de garantir le prolongement, donc ce qui veut dire après la fin de semaine, la semaine de relâche. C'est un gros 2-3 semaines que vous gagneriez, hein? Exact. Ouais, puis ça, c'est beaucoup, ça, là. Puis sans compter, c'est probablement qu'aussi qu'il y a une question de, comment dirais-je, de stabilité, tu sais, il va être sûr qu'il va y avoir de la neige. Ça peut faire la différence entre une personne qui hésite à prendre la carte de membre et une personne qui refuse, finalement, là, c'est qu'il va avoir sûr d'avoir de la neige. Oui, puis je sais pas, un point que les gens pensent pas tout le temps, c'est que l'orientation des pentes de ski sont faites que le soleil plombe toute la journée. Okay. Contrairement à Toboski, à Saint-Félicien, qui sont à l'endos du soleil, nous autres, on est face au soleil. Donc, c'est sûr que ça fait fondre un peu plus vite là, notre neige chez nous. OK. Dernière question, comment ça va votre relation avec la municipalité? La municipalité, j'imagine, vous aide beaucoup. Merveilleusement bien. La communication est excellente. Le fait d'avoir deux personnes à l'interne sur notre CA, M. Denis Boily et Paul Morel, c'est beaucoup plus facile. Les gars, ils se sont impliqués bénévolement parce qu'ils voulaient, mais ils ont des connaissances au niveau de la ville et de tous les protocoles et tout ça. Donc, on a un super de bon partenariat avec la ville. C'est extraordinaire. Moi, je n'ai que des bons mots. Je pense que la ville aussi sont bien satisfaits de notre travail. Ouais. Donc, parce que la communication, c'est la clé. Ça l'a aidé beaucoup parce que quelque part, je me rappelle que ça avait parti chez Chapeau de Roue. C'était incroyable. Là. Puis si vous n'auriez pas eu ce partenariat-là, ça aurait été beaucoup plus difficile d'ouvrir. Oui, c'est sûr et certain. Ils sont là pour nous aider. Ils nous ont confirmé qu'ils ne voulaient pas que le centre ferme. Ils ont eu des craintes aussi là en début d'année là quand que le CA a tombé et puis tout ça. Donc quand ils ont su que là on avait un nouveau CA dynamique, jeune, avec une bonne expertise, ils étaient très satisfaits. Puis la preuve, c'est que ils nous ont appuyés dans toutes les décisions qu'on a prises. Puis Bingo. Bingo. David, on se reparle. L'Assemblée générale, normalement, c'est en mai, c'est ça? Oui. En mai, les dates vont être annoncées sur la page du site Internet et puis la page Facebook. Puis sûrement qu'on va faire des annonces au niveau du journal local et de la radio. OK. Ben merci beaucoup pour s'en reparler. Ça fait plaisir. David Larouche, le président du Centre de ski de Domiski.